Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Sophie Cornier-Janin. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles de demain. Pour cette cinquième saison, je commence toujours par une petite présentation du podcast et de son soutien, le partenaire qui est depuis quelques années maintenant la NEF. C'est une coopérative bancaire éthique qui fait son travail depuis plus de 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Sa particularité, c'est d'être 100% transparente, puisque c'est le seul établissement en France qui publie l'intégralité des prêts qu'elle réalise chaque année. Et donc, on a une liste avec le nom du projet, le montant, la description aussi de ce qui a été mené grâce à cet argent pour comprendre son impact positif. Et vous trouverez tout ça sur une cartographie en ligne qui vous permet de voir un peu les projets financés partout en France. Moi, je trouve vraiment que c'est les 2030 glorieuses en avance et je suis très fier d'être soutenu par la NEF. La NEF qui d'ailleurs du coup me permet de continuer à mener ce podcast et aujourd'hui je suis heureux de donner la parole à Sophie. Sophie qui est membre de l'équipe fondatrice du tiers-lieu Bienvenue en Transition. C'est un tiers-lieu qui propose des solutions d'accueil sur le site d'un ancien village vacances famille de 10 hectares transformé en village tiers-lieu. On va en reparler largement. Ensemble, on va parler donc de comment réhabiter nos zones rurales, voir l'autre comme une richesse et de comment la coopération sera une boussole des 2030 glorieuses. Je commence, Sophie, par te poser la question signature de ce podcast qui est, imagine, tu es dans un événement, un endroit, une rencontre où tu es face à des inconnus. La discussion se lance, arrive cette première question qu'on en vient presque à redouter. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est intéressant, j'ai l'impression que c'est un peu au centre de la déconstruction par laquelle on passe... Tous et toutes à un moment, quand on se pose la question de notre transition, évidemment, c'est pas si simple de se résumer en se disant bah, « qu'est-ce qu'on fait dans la vie ?» parce qu'on a tendance à penser à un métier. Et je considère aujourd'hui que j'ai pas de métier. J'ai l'impression que j'ai une vie à laquelle j'essaye de trouver un sens, de creuser un peu dans quelle direction je peux m'épanouir. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai tendance à expliquer la déconstruction dans laquelle je suis toujours depuis quelques années. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je donne de mon temps, bénévolement depuis peu, malgré un petit salariat d'un an et demi dans l'association Bienvenue en Transition qui s'est arrêtée récemment. Mais voilà, je donne de mon temps pour essayer de voir... Où placer mon énergie et mes talents, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est dans ce processus qu'on se découvre soi-même. Et donc, la richesse de ce que je fais aujourd'hui dans ce tiers-lieu, bah, c'est justement de rencontrer des gens qui vont me permettre de mettre mon énergie avec eux ou à côté, au service. Et puis, je construis ma vie comme ça. Et je trouve que c'est une vraie belle déconstruction de se dire, de s'autoriser de pas être dans une case pendant un petit temps ou même très longtemps. Voilà. Permets-moi de te dire que je suis quand même allé faire un tour sur ton LinkedIn, Sophie, et c'est pas du tout la description que tu donnes. Tu es en charge des sujets de communication, notamment sur ton LinkedIn. Tu parles du tiers-lieu Bienvenue en Transition et d'autres projets aussi de comment le dire, de friches qui ont été réhabilitées et des projets auxquels tu as participé. Et donc, du coup, le podcast 2030 Glorieuse, il a une porte d'entrée métier. J'essaie de révéler les métiers des 2030 Glorieuse, ce qui contribue non pas à moins détruire la planète, mais au contraire à régénérer, à avoir un impact positif sur soi-même, sur les autres et sur le vivant autour de nous, et dont on fait partie. Est-ce que justement, tu pourrais, en fonction des missions auquel tu essaies de contribuer à travers ton métier, de te redonner un intitulé? Alors, largement, je pourrais dire que je suis administratrice du coup au sein de l'association Bienvenue en Transition. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur des postes. Alors, au fil de l'eau, je me suis retrouvée dans le milieu associatif à Paris, notamment sur des enjeux climat, puisque j'étais la première salariée de l'association La Fresque du Climat en 2019. Voilà, j'étais responsable communication, j'ai toujours fait ça. Et donc, quand je suis arrivée en 2020 en Aveyron, j'ai pris mes fonctions en tant que bénévole à l'époque pour l'association, en charge de tous les sujets de com, puisqu'en fait, l'association se lançait à Arvieux à l'époque. On venait de faire l'acquisition du château, du village. L'idée, c'était d'en faire un lieu ouvert sur le territoire, un territoire déjà bien actif, notamment sur tout ce qui est démarche participative. Mais l'idée, c'était de faire connaître que ce lieu était maintenant ouvert et était une nouvelle brique d'accueil pour le territoire. Et voilà, donc depuis 2020, je suis principalement sur les sujets de communication pour l'asso. Mais pas que, puisque du coup, depuis 2022, on est à Najac, sur le site de l'ancien village vacances famille de Mergieux, un petit hameau qui est perché au milieu de la forêt communale. Et je me suis rendu compte que les sujets de com, c'était pas ce qui m'épanouissait le plus. Donc, c'est ce que je savais faire, c'était bien pratique. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir décloisonner un peu. Et en étant en équipe sur site, c'est de pouvoir aussi faire d'autres choses. Donc notamment l'accueil de touristes. C'est un gros enjeu pour nous ici, puisqu'on a une grosse capacité d'accueil et que c'est une commande de la mairie qui est propriétaire du lieu. Voilà, donc l'accueil des touristes et des groupes. On reparlera de vos missions dans le tiers-lieu. Et je, d'ailleurs, redonnerai un peu de contexte, parce qu'on n'est pas ici par hasard. Je reste quand même une dernière question, avec une dernière question sur cette idée d'intituler métier. Est-ce que finalement, quand on parle vraiment de l'objectif global, tu serais pas un peu revitalisatrice de friches, réactivatrice, d'espaces coopératifs à travers ces tiers-lieux, tu vois, tu viens proposer comme ça des expériences qui apportent un nouveau regard sur un lieu qui est passé de mode presque, avec un mode de vie aussi qui est passé de mode. Est-ce que ça t'irait, ce titre de revitalisatrice de friche? Oui, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, de manière plus classique, on va parler de... Puisqu'on est quand même dans la mouvance des tiers-lieux, on va parler de facilitatrice de tiers-lieux, où on a plein de casquettes. Et je pense que c'est des lieux qui vont être amenés de toute façon à se développer. Donc, c'est ce que je fais, oui. On facilite. Presque une spécialité, puisque là, c'est le deuxième lieu avec ton équipe. Et on en reparlera aussi. Je pense à Benoît, Rémi, Hélène. Vous avez créé un collectif. Il y a cet aspect coopératif que je trouve chouette, collectif, qui dit aussi quelque chose sur le fond et vraiment aussi sur la forme de ce lieu dans lequel... On a été accueillis, et par le « on », je veux dire une trentaine de guides des 2030 Glorieuses avec leurs familles qui sont venus, du coup, passer pendant 3 jours, 4 jours, des glorieuses rencontres, comme on les anime 2 fois par an avec le collectif des 2030 Glorieuses, puisque notre objectif, c'est aussi de créer du lien entre les guides qui déploient les 2030 Glorieuses un peu partout en France, qui animent des ateliers, qui contribuent à renforcer notre dynamique, à nous déployer sur tout le territoire. Et donc, on avait envie de se retrouver pour se connaître, se reconnaître, échanger des bonnes pratiques, mais aussi vivre un peu comme si on était en 2030 Glorieuse, et donc avec tout ce que ça veut dire de connexion au vivant, de nourriture végétarienne, d'être sur un lieu qui, justement, apporte du sens. Et donc, on a eu un super programme. C'était vraiment chouette d'avoir été accueillis, puisque là, les Glorieuses Rencontres sont en train de se terminer avec cette interview, et je suis très content de te donner la parole dans ce cadre-là. On a été vraiment sur un petit nuage. Est-ce que toi, du coup, tu peux me raconter la mission? Tu as parlé de tourisme, il me semble que vous êtes sur des sites comme Gringo, vous accueillez des gens parfois de manière très ponctuelle sur une semaine, une famille ou des groupes un peu plus larges, mais vous avez aussi du coup l'ambition d'être un espace pour d'autres collectifs comme celui des 2030 Glorieuses pour organiser ce qu'on pourrait appeler un peu simplement des séminaires par exemple, ce genre de choses, non? Oui, alors en fait l'association en 2020, quand Benoît Montels, mon amoureux dans la vie, a créé l'association, elle avait vocation relation à... Alors on va parler de cheval de Troie, je vais t'expliquer pourquoi. On aime bien cette image-là. Et à la base, il voulait s'aimer une formation en Aveyron, une formation qui a été créée par le campus de la transition à Seine-et-Marne, qui est quand même un haut lieu de l'enseignement académique notamment. Voilà, il avait fait cette formation T-Campus en 2019 chez eux. Le contact était très, très fort avec eux et l'idée, c'était de les s'aimer en Aveyron. Ils retournent sur ses terres natales. Voilà, donc la mission, la vocation de l'asso, c'était vraiment de faire venir et faire rester via des formations immersives de plusieurs semaines sur le territoire. D'où l'acquisition du château d'Arvieux pour développer l'accueil de groupes en immersion et en formation. Et en fait, sur le village vacances de Najac, c'est ce qu'on continue à faire avec d'autres missions du coup qui sont plus... spécifique au territoire, donc se dire bah, concrètement le territoire sur lequel on arrive c'est principalement du tourisme en fait, ce qui le fait vivre en saison haute, donc comment on répond à la demande très concrètement, mais avec une offre qui correspond à nos valeurs, c'est-à-dire qu'on va être dans la sobriété, on va être dans le questionnement du confort, et en fait c'est génial parce que ce lieu c'est un outil pour nous, on arrive, ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'il n'était pas utilisé. Et puis, c'est des logements qui ont été créés dans les années 70, dans un petit hameau qui fait cul-de-sac, qui invite en fait complètement à la déconnexion. Donc, la mission, c'est aussi de dire, bah, les gens qui vont arriver notamment, alors certes, on référence nos offres de plus en plus là sur Gringo, on le fait au fur et à mesure parce qu'on est une petite équipe aussi et que les outils... Bien sûr, ça Gringo qui est une plateforme ouais, hein, c'est la première plateforme location. D'hébergement, alors je ne sais pas s'ils se disent éco-responsables, mais en tout cas, on peut sélectionner des critères très précisément en fonction du lieu où on veut aller et du type d'hébergement qu'on cherche. Et donc l'enjeu pour nous c'est de faire venir certes des personnes qui vont être déjà sensibilisées parce que bah, c'est évidemment plus simple, elles savent ce qu'elles cherchent et elles savent ce qu'elles vont trouver, mais aussi des personnes qui viennent via Booking ou qui viennent bouche à oreille, et du coup c'est super parce que c'est une opportunité pour avoir vraiment des personnes différentes sur le lieu et re-questionner, parce qu'en fait c'est assez simple, si on accueille quelqu'un ici qui évolue dans les mêmes cercles que nous, qui est déjà convaincu qu'il faut un peu changer ses habitudes et qu'on peut être très heureux en ayant moins de confort et moins de matériel aussi, ben c'est pas un challenge, et surtout c'est pas vraiment la mission de l'association non plus quoi. Et là, vous avez une année qui est déjà bien remplie avec d'autres collectifs associatifs aussi, notamment, pas que, j'imagine, qui viennent pour ben, vivre un peu avec la dynamique du lieu et reprendre un temps pour continuer à progresser ensemble. Il y a aussi cette idée d'être une sorte d'incubateur à bonnes pratiques, bons esprits et pour revitaliser aussi un peu des collectifs qui agissent sur tout le territoire, en fait, hein, partout en France, toute l'année. Oui, on a bah, les fresqueurs, évidemment, historiquement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Benoît à l'époque. On était les fresqueurs de la première heure. Et puis après, c'est des réseaux qui, en fait, naturellement, ça se fait. Alors, bon, c'est chouette pour nous. C'est-à-dire que le lieu va vivre avec des séminaires et des temps forts d'entreprise qui sont déjà sensibilisés, mais qui vont en parler autour d'elles. Donc là, l'année, elle se remplit très bien sur des week-ends, principalement, pour les groupes. Et on a aussi des événements culturels qui permettent aussi à ces groupes de venir en immersion dans un lieu où il y a des habitants potentiellement qui vont venir se greffer sur des temps forts festifs, etc. Donc c'est chouette aussi de voir que même sur des temps un peu plus fermés, de gens qui viennent se retrouver pour faire réseau, qui se retrouvent de toute la France comme vous l'avez fait par exemple ce week-end, ben on peut venir... créer la rencontre en fait avec le territoire. Et ça, c'est chouette, le lieu se prête vraiment à ça. Au sein du lieu, parce qu'on a parlé des touristes éventuellement de passage, qui n'avaient pas du tout prévu comme ça d'être happés par la foule des 2030 Glorieuses, mais aussi par exemple parce que vous avez des étudiants de l'école Être qui est aussi sur le lieu et avec laquelle vous cohabitez. Exactement, nous, Bienvenue en Transition, on est gestionnaire du site, c'est-à-dire qu'on a, le bail avec la mairie qui est propriétaire du lieu. Et on a répondu donc en 2021, la mairie de Najac lance un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des repreneurs pour ce site qui était déjà plus utilisé depuis un bon moment. Et c'est à peu près à cette période qu'on visite le lieu, qu'on a des paillettes et qu'on se dit c'est extraordinaire, comment c'est possible que ce soit resté en friche. Et c'est à cette période qu'on rencontre Maëlys qui porte l'école Être Aveyron, qui s'appelle l'école du Ségala. Je ne saurais pas te dire exactement parce qu'il y a plusieurs acronymes, mais en tout cas voilà. Ils sont l'école Être de ce territoire et ils ont une convention avec nous. Et donc très concrètement, le site c'est leur terrain d'expérimentation et de formation. Donc ils ont leur atelier, ils accueillent les jeunes ici. Et l'idée, c'est de, via cette école, de faire de la, pas de la réinsertion, mais en tout cas de proposer aux jeunes qui sont un peu en décrochage et en perte de sens, de venir se former gratuitement au métier manuel de la transition. Donc là, par exemple, ils font de l'éco-construction, éco-rénovation, entretien des espaces verts, et ils nous aident d'une certaine manière à maintenir ce site en état, voilà, avec des petites réparations, un poulailler, plein de belles choses, ouais, qui voient le jour petit à petit au fil des années. Là, ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent sur site et on voit la différence, quoi. On arrive donc dans un lieu vivant, vibrant. Au début, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il est un peu dans son jus. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles et que, effectivement, cette frugalité, elle fait du bien pour créer, pour laisser plus de place à tous les liens qui vont se construire le temps des quelques jours qu'on passe ensemble. Juste à côté d'un village absolument magnifique avec lequel, aussi, avec lequel vous avez tissé plein de liens, et on sent aussi une perméabilité entre les bonnes volontés, les idées, qu'elles soient culturelles, écologiques, etc., etc. Donc on sent vraiment qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux me raconter comment, bah, économiquement, c'est possible ce genre de choses? Parce que j'imagine que les personnes qui nous écoutent se disent oh, « Mais moi, à un moment aussi, j'ai rêvé de lancer un tiers-lieu, mais ça doit coûter cher, ça doit être compliqué, et puis politiquement, et patati et patata. » Et puis en plus, à côté de ça aussi, comment humainement ça se fait? Parce que vous êtes 4, on ne peut pas arriver seul dans un environnement comme celui-ci. Il y a besoin d'avoir un collectif. Dis-moi un peu comment vous avez réussi à faire collectif et à mettre ce collectif au service du tiers-lieu. Donc deux questions dans une, le montage un peu économique administratif et le montage humain, j'allais dire, pour cette dynamique-là que vous avez créée à Bienvenue en Transition. Je pense qu'au tout départ, s'il y avait un conseil, c'est même pas un conseil, mais en tout cas avec le recul des 4 dernières années, ce serait de se demander quelle est l'intention vers où je veux aller, parce que peu importe le projet en fait. Et ensuite se dire, est-ce que ça correspond à une problématique du territoire sur lequel je vais débarquer, quoi. Parce qu'on voit beaucoup, on a questionné avec l'association très vite, le sujet de faire venir c'est bien, faire rester c'est mieux. Mais rester quand on est un urbain qui débarque avec plein de belles idées sur la campagne, même quand on a fait, comme moi, son enfance à la campagne et qu'on, ça fait des années qu'on se dit je vais quitter telle ou telle grande ville, ben c'est pas évident de vraiment se faire sa place. Donc du coup, se questionner sur qu'est-ce que je viens faire et est-ce que vraiment ça apporte concrètement une aide, voilà, un service qui va être durable. Est-ce que ça répond à quelque chose qui existait, ouais, déjà avant, c'est ça? Ouais. Et du coup, l'association, elle s'est montée donc petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu l'essaimage de cette formation T-Campus. Et donc, au fur et à mesure des sessions, une par an, en tout cas, bah, il y a de la trésorerie qui est rentrée, très concrètement, avec vendre des petits séjours à droite, à gauche, des groupes qui venaient de manière très informelle déjà quand on était à Arvieux. Et là, sur le site, donc on a un bail qui reste précaire puisque c'est un bail de 2 ans avec la mairie. On a une trésorerie qui, du coup, nous a contraints, en début d'année 2024, à arrêter mon salariat parce que ce n'était pas réaliste de continuer avec des salariés là en interne. Donc, c'est quand même au bout de 3 ans ou 4 ans d'activité, ça peut rester très précaire et c'est classique, en fait. La question, c'est plutôt... les fameuses vaches à lait, comment on fait pour vraiment avoir au moins une ou deux activités qui vont maintenir le fait que on peut se permettre d'avoir d'autres choses qui vont pas être payantes, des activités pour lesquelles on s'investit gratuitement et bénévolement sans avoir à se demander ce qu'elles vont nous rapporter. Ça aussi, c'est très classique. Donc une association qui vit comme ça, avec un bail qu'on espère renouveler et avoir... Enfin, là, l'idée, c'est très clairement de viser un bail emphytéotique pour sécuriser le projet et aussi nos vies. C'est-à-dire que là, on est 4, donc 2 couples à vivre sur le lieu. On accepte assez volontairement... c'est presque militant, en fait, de se dire on a tellement réfléchi nos vies autour de ce qui était évident de faire, donc c'est-à-dire avoir un CDI, être propriétaire, etc., que... on en avait un peu oublié le sens. Et donc là, c'est plutôt l'idée de se dire on se met au service d'un projet en lequel on croit pour vraiment tendre la main au territoire. C'est-à-dire que là, on se dit on sécurise aussi les liens avec le territoire pour montrer que voilà, ce qu'on fait, c'est chouette, ça apporte vraiment de la valeur, avoir des retours positifs pour sécuriser ça. Une fois qu'on a un bail longue durée, là, forcément, on peut être encore plus créatif, on peut encore plus s'autoriser. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, on navigue en incertitude avec un modèle économique qui est en construction. Il y a la mairie qui vous file un coup de main. Il y a potentiellement des subventions qui devraient tomber, une activité économique qui est en train de se construire, on en a déjà parlé avec le tourisme puis l'accueil de groupe. Donc tout ça, c'est en construction avec plein potentiellement de belles perspectives et encore ça reste à prouver et à faire tenir sur le temps long. Et en plus, tous les enjeux politiques qui peuvent presque d'une année sur l'autre faire en sorte que tout ce travail précieux déjà accompli puisse être un peu pas balayé d'un revers de la main, mais presque. Et donc en plus de ça, il faut gérer les dynamiques humaines qui pourraient être en fait ce qui font un peu dégoupiller un groupe et qui là en l'occurrence vous servent de stabilité, c'est votre base, c'est votre force. Comment ça marche, comment on crée cette stabilité, comment on crée cette base et comment on y travaille au quotidien? Alors effectivement, il y a la question du collectif qui est fondamentale, et d'ailleurs moi j'ai tendance à penser qu'on n'en parle pas assez. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Énormément de collectifs qui finissent mal entre guillemets, mais en tout cas qui apprennent. Ça a été notre cas puisque à Harvieux il y a eu la lune de miel et puis après les grosses difficultés de compréhension, de vision et d'objectif. Donc le projet s'est arrêté pour nous aussi parce que on n'était plus en accord avec certains associés au sein du projet, malgré le fait qu'à la base, humainement, ça avait l'air de bien fonctionner. Il n'y a pas du tout d'animosité et c'est des gens qu'on apprécie. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, pour monter un projet et le mener à bien, c'était très vite compliqué. Donc là, c'est assez facile pour nous ici et tant mieux, parce qu'une troisième fois, ça aurait été compliqué à vivre, parce qu'on se connaissait avant de s'associer sur ce projet avec le deuxième couple, Rémi et Hélène, qui sont là sur site avec nous. Donc Rémi, qui est plutôt en charge de la conciergerie, et Hélène de la nourriture et la cuisine pour les groupes. Il était très clair pour nous quatre qu'on avait besoin de nos espaces d'intimité, qu'on devait mettre en place un cadre de travail ensemble, être le plus complémentaire possible et surtout être capable d'entendre quand l'autre a une limite. Et de pas, enfin, de que le projet reste un moyen. En fait, ça c'est super important. On en a discuté, mais comme on se connaissait, c'était assez simple. Donc, d'être un conseil, et ça c'est quelque chose qu'on traîne du coup avec nous depuis 4 ans, c'est de se dire que choisir les personnes avec qui on entreprend ce genre de projet, c'est vraiment fondamental. J'en parlais avec une des personnes du groupe de 2030 Glorieux ce week-end. Il commence à s'inscrire dans une démarche d'habitat partagé, participatif. Et clairement, il y a de plus en plus de collectifs qui se construisent avec des phases très concrètes. Chacun va donner son avis, va passer des périodes ensemble pour s'assurer que ça peut bien fonctionner. Et en fait, voilà, c'est un projet de vie, un projet de travail, oui, comme tu le disais. Enfin, donc au final, c'est très lié et c'est important de bien sécuriser ce côté collectif et humain. Ouais. On va parler de plein d'autres choses dans cette interview, mais moi j'ai envie de partir en 2030 glorieuse avec toi pour te poser toutes les questions que j'avais encore en suspens. Entre le voyage en 2030 glorieuse et toute la présentation qu'on vient de faire, Sophie, il y a toujours une petite parenthèse, une bulle d'air que nous offre l'interviewé. Et là, en l'occurrence, c'est dans la lecture d'un passage qui renferme, selon toi, des valeurs que tu aimerais largement voir se déployer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu nous as amené? Alors, c'est un petit bouquin que je vais relire du coup, parce que je me suis replongée dedans pour faire cet exercice, qui s'appelait le Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes de Valérie Joussaume, qui est, alors que je te résume, elle est enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes. Voilà. Je vais te lire je vais vous lire les passages introductifs que j'ai trouvés très parlants. C'est très simple. Ce que vous savez, ce que tu sais, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété privée. Elle ne fait que passer à travers vous. Et l'une de vos raisons d'être sur Terre, c'est de partager ça. Voilà, petite citation de Daniel Pénac. Et maintenant, on fait quoi ? Voilà plusieurs années que les Cassandres nous annoncent l'effondrement, et le voici à nos portes. La boîte de Pandore semble ouverte. La liste des plaies qui assaillent l'humanité s'allonge comme au temps biblique. Menaces sanitaires mondiales et hystérie médiatique, agonie démocratique, régression sociale, instabilité économique, assèchement des finances, montée des inégalités, inflation bureaucratique, instabilité géopolitique internationale, pollution généralisée et explosion du nombre des cancers, réchauffement climatique, crise agricole. Au cœur des sociétés modernes, le doute s'installe inexorablement. Et maintenant, on fait quoi ? Au milieu de ces incertitudes, au printemps 2020, la crise du Covid-19 a mis en lumière un mouvement de départ des cadres supérieurs des métropoles vers les campagnes, afin d'y mettre en sécurité leur famille et vivre avec bonheur le confinement en poursuivant leur activité en télétravail. En réalité, ceux-ci sont loin d'être les seuls à rallier les espaces ruraux. Sur ce chemin marchent aussi des jeunes diplômés en quête de sens à leur vie, des parents à la recherche de nature pour eux et leurs enfants, des descendants de paysans lassés des promesses de la modernité, soudainement de retour au pays après une ou deux générations d'absence, des pauvres espérant que la misère soit moins pénible au vert, des survivalistes angoissés, chacun projette ses espoirs d'une vie plus douce sur des campagnes devenues désirables. Quel extraordinaire retournement de l'histoire. Pourtant, les statistiques et la plupart des rapports officiels décrivent une France périphérique en déprime, en crise, à l'agonie, entre fermeture des services publics et réduction des finances communes, crise du modèle agricole et crise de l'industrie, vieillissement et isolement. Ces analyses territoriales, bornées par des lunettes réglées sur l'urbain métropolitain, n'y perçoivent en général ni innovation, ni excellence, ni compétitivité, ni attractivité, en un mot, aucun salut. Comment et pourquoi un territoire si mal évalué par la statistique officielle peut-il incarner un nouvel idéal de vie pour une part toujours plus nombreuse de la population ? Les territoires ruraux ont de l'avenir, c'est peut-être même là que se joue largement notre avenir. Au cœur des crises multiples qui colorent notre présent, face aux dystopies en voie de concrétisation et face à l'implacable chronique d'un effondrement annoncé, l'expérience des territoires ruraux et des sociétés rurales, bref, des campagnes, peut nous aider à rêver un futur désirable, à dessiner un avenir collectif. Parfait, avec la suite du voyage qu'on va faire en 2030 glorieuse. Merci Sophie pour cette lecture. Puisque ça y est, je ne sais pas si tu l'as senti, mais nous sommes en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, c'est une période que j'ai auto-décrétée un jour tout seul dans mon coin et dont je me rends compte chaque jour de plus en plus de la puissance, puisqu'à partir du moment où on les a mis au monde, ces 2030 glorieuses, derrière, elles deviennent comme une évidence, un outil pour que les personnes, elles s'autorisent à nouveau à rêver, à territorialiser leurs rêves et à en faire des boussoles pour ensuite agir avec plus d'ambition au quotidien. Donc nous, prendre voilà, ce qui pour l'instant jouait contre nous, c'est-à-dire la prophétie autoréalisatrice de l'effondrement, comme l'autrice le dit dans l'introduction du livre que tu viens de nous lire, où on nous disait que demain allait être sombre, demain allait être catastrophique, demain allait être angoissant, demain allait être difficile. Et on va retourner cette prophétie autoréalisatrice pour nous, en notre faveur, en se disant tout ce qui va être formidable, tout ce qui va être abondant, tout ce qui va être croissant, tout ce qui va être génial, tout ce qui fait que demain, on va se réveiller en se disant qu'est-ce qui nous attend de merveilleux aujourd'hui, en sachant que ce ne sera pas cuicui les petits oiseaux, en sachant qu'il y aura des choses encore voilà, sur le plan de travail, il y aura encore des effondrements sans doute en cours, il y aura en cours l'emballement climatique qu'il faudra continuer à avoir en tête. Donc on est un peu dans cette ambivalence et à la fois on regarde le monde différemment, on sent qu'on est à la hauteur des enjeux et ça, c'est aussi libérateur, ça nous empuissante, ça nous fait nous dire « allez, on y va, allez, on y croit ». On va raconter ça au présent, depuis les 2030 glorieuses, pour que les personnes qui nous écoutent, elles se disent « ah, moi qui suis resté bloqué en 2024, ça me donne trop envie ». Et on va essayer de les contextualiser, de les rendre crédibles, tangibles le plus possible dans nos échanges pendant une quinzaine de minutes. Ma première question pour toi, Sophie, c'est qu'est-ce que tu vois depuis la fenêtre quand tu regardes là en 2030 glorieuse ? Alors du coup, je vois ma fille qui a 7 ans et non pas 1 an. Donc ma fille a 7 ans et elle construit des choses avec d'autres personnes de son âge, mais pas que. Je vois un lieu, des lieux où il y a de l'intergénérationnel, beaucoup, où on ne questionne plus ça. Donc on est entre vieux, jeune. J'aime bien dire vieux et c'est chouette de s'autoriser à le dire en fait, plutôt que... sage, senior, tous voilà, ces trucs-là. Vieux, jeune, d'un peu partout. Je vois beaucoup de connexions, en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui fait la force aussi du collectif, c'est de, des lieux qui sont connectés. Donc, on réussit aujourd'hui, en 2030 glorieuse, à avoir des lieux qui ont mis en commun et qui se sont organisés. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire en archipel, mais en tout cas, c'est fluide. C'est-à-dire qu'on peut... créer ensemble, même à distance, dans les territoires. C'est soutenu aussi par un réseau ferroviaire qui fonctionne correctement, qui est refait, voilà, qui est plus simple pour les personnes qui ont des vélos. Voilà, je pense à des petites choses du quotidien très concrètes. Faire ensemble, je ne sais pas, peut-être que tu peux m'aiguiller sur des... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on pensait que voilà, le monopole capitaliste allait être potentiellement remplacé par une autre lecture monopolistique, même si elle était plus durable, plus solidaire, plus joyeuse. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Qu'en reterritorialisant nos rêves, on recréait des singularités et une permaculture des modes de vie. Et donc, dans cette ruralité, on acceptait à nouveau la différence. On a accepté à nouveau une personnalisation culturelle, historique, géographique qui faisait que presque de 50 à 100 kilomètres, on changeait de territoire, on changeait de mode de vie avec des spécificités très propres au territoire. Et donc, effectivement, la ruralité dans ce sens-là a été une réponse aux 2030 glorieuses. Et notamment, les tiers-lieux qui, je trouve, ont été cet espace où à nouveau, on s'autorisait la créativité, on s'autorisait l'interconnexion, on arrêtait nos modes de vie en silo où un lieu avait une utilité sur une tranche horaire, mais on réacceptait un peu le joyeux bordel qui est pour moi un peu synonyme des 2030 glorieuses. Et il me semble, en 2023, si je ne dis pas de bêtises, Sophie, qu'on dénombrait 3500 tiers-lieux, dont 62% qui étaient situés en dehors des métropoles et un tiers en ruralité. Donc déjà, on voyait à quel point la ruralité, ça allait redevenir le cœur battant des 2030 glorieuses. Aujourd'hui, on a tous et toutes un tiers-lieu à côté de chez nous. On a tous et toutes un tiers-lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on passe du temps quotidiennement presque. Et ça change tout sur notre perception du monde, sur notre perception des autres, sur notre perception du possible. Comment tu sens ça et est-ce que tu peux me raconter voilà, à quel point ces tiers-lieux, ils ont une atmosphère qui a fait en sorte que les gens ils se sont dit « mais bien sûr, c'est possible parce qu'on le vit, parce que c'est là, à côté de nous, sur nos territoires, dans nos vies à nouveau. » Déjà, je pense qu'on ne parle plus de tiers-lieu, parce que c'est une étiquette qui a été qui est un peu galvaudée et dans laquelle, sur laquelle on ne sait pas bien quoi mettre, finalement. Ouais, dans un autre épisode des 2030 Glorieuses, on disait que c'était des fiers lieux, parce que c'était des endroits où on était trop fiers d'expérimenter de nouveaux modes de vie. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle, les T-Campers d'il y a 2 ans ont travaillé sur un nouveau nom pour le lieu de le tiers-lieu de Mergeux. Ils l'ont appelé le fier lieu de Mergeux, donc c'est bien ça. Ouais, ouais. Oui, en fait, j'ai pas envie de parler de retour en arrière, mais très concrètement, le bar du village, c'est le tiers-lieu. C'est le lien social, c'est jouer aux cartes, c'est être tous ensemble et c'est ça qui va créer les projets, les choses qu'on va faire. Alors c'est vrai principalement en local parce que c'est là où ça se joue. Mais ce que les gens viennent chercher dans ces lieux, j'ai l'impression que c'est un peu le miroir en fait. Mais ça a toujours été et encore plus à une époque où on a ces tiers-lieux un peu partout dans nos territoires, c'est de se dire bah en fait je vais à la rencontre de l'autre parce que c'est mon miroir et donc nécessairement je vais continuer à apprendre à me connaître, je vais peut-être faire des choses avec lui, mais peut-être que aussi ça va me challenger parce que je vais pas être d'accord avec ce qu'il me raconte. Est-ce qu'en 2030 on a encore les chasseurs, les non pas que je sois contre parce que je suis dans une famille où il y a beaucoup de chasseurs et je les aime, mais en tout cas voilà, ça questionne, ça chamboule et ces lieux sont faits pour ça aussi. Quel est l'intérêt d'être dans un endroit, un espace où en fait on est tous d'accord et on, enfin très clairement, on s'en bat vite. C'est ça. Ouais. Il faut, je pense, un petit peu de challenge et un petit peu de miroir déformant. Enfin, je sais pas, se sentir un peu mal à l'aise ou énervé face à l'autre et d'apprendre à gérer ces émotions-là. Et donc en fait, le territoire. Enfin, pour avoir vécu une dizaine d'années en ville, c'était très. Je résumerais mon expérience en disant que c'était assez aseptisé, c'est-à-dire que je faisais plein de choses, j'avais un rythme effréné de vie, mais en revanche, j'étais pas dans ce rapport de qualité à l'autre et du coup à mes émotions. Me dire, mais en fait, là, j'évitais en fait ces espaces-là. Alors que là, le tiers-lieu, il invite à... La ville, c'est la ligne droite. Ouais, la ville, c'est l'espace où on maîtrise aussi. On ne déambule pas, on va d'un point à un autre. On est toujours dans l'après. Le fier-lieu, c'est le joyeux bordel. C'est l'interconnexion, c'est la vie lente, c'est l'acceptation de la possibilité de se perdre, de se tromper. Effectivement, une vision qui nous amène à créer, à apporter, mais en même temps suffisamment de flou pour qu'on sente qu'on puisse chacun aussi donner son avis, apporter sa pierre à l'édifice, mettre au service ses compétences. Et dans ce flou, il y a voilà, des possibles en réalité, où chacun se dit, en fait, pourquoi pas moi ? Et pourquoi j'aurais pas quelque chose à faire, à dire, à raconter, à porter dans un fier lieu ? Mais tu sais que je pense que... Je pars vite sur des sujets vaporeux parce que je pense que c'est le... un peu le fondamental dans tout ce qu'on se raconte. C'est toujours la question de l'écologie personnelle, en fait. Et le combat de la transition écologique, en fait, tous ces grands combats de société qui touchent à l'humanité directement, j'ai l'impression qu'ils sont liés à notre capacité à nous reconnecter. Alors, je vais parler encore plus perché, mais au divin en nous, en fait, de se dire, mais qu'est-ce qui me lie à l'autre ? Qu'est-ce qui me lie à mon environnement ? Et en fait... Il n'y a pas de pierre à jeter parce qu'en fait, souvent, quand on est enfin parti de la ville pour se retrouver dans un endroit rural comme celui dans lequel je suis aujourd'hui, un espace où tout est possible, où on est très, très proche de la nature, on a tendance un peu à vampiriser, à dire que c'était forcément horrible avant. Mais en fait, je pense qu'on a tous à apprendre dans peu importe où on est. C'est-à-dire que j'imagine qu'en 2030 glorieuse, il y a toujours des grandes villes. Bien sûr, moi je vis dans une grande ville en 2030 glorieuse, t'as raison. Du coup, c'est chouette de rappeler que les tiers-lieux, heureusement, d'ailleurs les plus gros sont souvent dans les très grandes villes. Et ben dans ces espaces-là, on a aussi la possibilité de se reconnecter à ce qui fait l'humain en nous. Et voilà, et je pense que c'est vraiment ce lien-là et de se dire, mais comment moi je trouve du sens à ma vie ? J'aime parler de chemin de vie et de quête, quand on parle de quête de sens, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venu faire ici. Et donc le tiers-lieu, pour moi, il aide à révéler ça. De dire, en gros, c'est un lieu où il y a de la solidarité, où il y a de l'entraide et où il y a il peut y avoir de la compassion, en fait, de l'accueil de ces émotions-là aussi. Et je parle de ces choses-là parce que c'est moins palpable, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi que les gens viennent dans des lieux comme Mergieux et osent se déposer, osent ralentir, parce qu'en fait, ils se sentent en confiance. Je trouve que le tiers-lieu permet ça aussi. C'est génial. Continuons à philosopher, moi ça me va bien. On a effectivement cette dichotomie un peu simpliste, mais on reste là-dessus sur la ville où on regarde devant, on est chacun dans notre couloir, on est en silo, on avance, et le fier lieu où là on ose ralentir, regarder à côté, peut-être même regarder un peu en arrière comme tu le disais, et se rendre compte que on est un peu plus interconnecté, on est un peu plus interdépendant et que ça fait du bien. J'aurais tendance à dire que le fier lieu c'est aussi un endroit où on accepte à nouveau la richesse du désuet, la richesse de ces bâtiments qu'on pourrait dire un peu dans leur jus, qu'on pourrait qualifier peut-être d'un peu inconfortable si on le plaquait à nos codes de l'époque, en termes de confort, en termes de beauté, en termes de modernité. Et ça fait du bien aussi parce que ça nous permet de regarder tous ces acquis, tous ces héritages, notamment en termes de lieux, non pas comme des choses à raser pour continuer cette bétonisation, cette accumulation, ces regroupements massifs, mais au contraire, se rendre compte de toutes les richesses qu'on a sur notre territoire. Et donc, en fait, c'est un changement de mentalité complet. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un endroit qui a en fait un potentiel, plutôt de voir toutes les faiblesses, de voir toutes les failles, de voir toutes les choses qui ne vont pas. On a changer de regard sur les lieux et grâce à ça, changer de regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la situation. C'est un retournement philosophique. Ouais, la question en 2024, du coup, si on retourne en arrière, la question s'est posée sur le bâti du tiers-lieu ici à Mergieux, par exemple, puisqu'on a deux blocs de 25 logements créés dans les années 70 par l'architecte Alexis Josic. Donc grande époque d'architecture moderne, très particulier évidemment, alors certes bien caché dans les arbres à flanc de colline, mais particulier dans le style, et des petits studios, tous les mêmes les uns à côté des autres. Donc la question s'était posée, alors il y avait un peu deux équipes, les gens qui voulaient absolument tout raser parce que c'est horrible et ça gâche le paysage, et d'autres qui se disaient, plutôt notre équipe du coup, de se dire mais c'est l'existant, donc comment on joue avec. Et donc en 2030, c'est des bâtiments qui ont été réisolés par l'extérieur, sur lesquels il y a des graphes, avec des toits à terrasses végétalisées. En fait, ça questionne, le bâti questionne le confort. Et je pense qu'on a des standards à revoir. C'est-à-dire que On a accumulé des objets souvent quand on vit dans les villes, quand on a un mode de vie un peu classique, parce que voilà, c'est comme ça qu'on vit et c'est OK. Et en fait, le bâti, c'est-à-dire l'endroit où vraiment on va venir poser sa petite valise, et ben nous questionne là-dessus aussi. Et j'ai besoin de quoi finalement ? J'ai pas besoin de grand-chose. Le lieu, le fier lieu comme tu l'appelles, il invite à ça aussi. Je veux dire, ben en fait, il y a déjà tout, le principal. Donc ouais, du coup, les standards évoluent, ont évolué et vont continuer à le faire. Et c'est plutôt la question, comme tu disais, l'artificialisation des sols, c'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut arrêter ça. Il y a déjà de l'existant, comment on fait avec ou comment on réutilise les choses. Comment on passe de l'imaginaire de la sobriété où il fallait se réduire, se limiter dans un état abondant à la frugalité où on se rend compte qu'en fait on doit faire avec ce qu'on a en pensant le temps long. Et ça, je trouve aussi que en fait philosophiquement ça change complètement notre regard vis-à-vis du présent, vis-à-vis de l'avenir, où on se dit ben en fait notre plus belle ressource c'est sans doute notre créativité, c'est sans doute notre solidarité, c'est sans doute notre capacité à revaloriser des choses qui sont déjà existantes et qui finalement méritent de continuer à être autour de nous, à notre service, avec ben peut-être l'idée de rogner un poil sur ce qui était l'idée de confort à l'époque en 2023 pour remplir nos vies complètement différemment, non pas cette fois de bien, d'écran, de connexion internet, mais au contraire de connexion à l'autre et de beaux moments. C'est ce que vous expérimentez au quotidien. Ouais, d'ailleurs tu parles de faire, mais en fait la réponse elle est là, c'est-à-dire qu'on a souvent des objections ou des angoisses à l'idée de réduire son confort, mais parce que c'est dans la tête. À partir du moment où tu es dans l'expérience du lieu, mais enfin très clairement, nous on l'a vu sur le lieu, il y a même plus de sujet. C'est-à-dire qu'on regarde une photo avant de enfin voilà, par exemple je vais sur telle ou telle plateforme pour réserver mon gîte, je vais voir la photo, je me dis oh bah non, je préfère un truc un peu plus beau, un peu plus dans les standards voilà actuels. Et en fait quand je viens à Mergieu, c'est pas ça la question, c'est le chant des oiseaux et voilà. Donc en fait, le vivre dans son corps. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la clé pour se dire, mais en fait, c'est souhaitable. Moins de confort, je suis bien là. C'est presque une fierté, en fait, de se dire qu'on se débarrasse de certaines choses. Bon, alors du coup, il y a une dizaine d'années en arrière, le tiers-lieu, il était utilisé pour justement que les gens y vivent dans leur corps. Cette nécessité de faire de ces valeurs écologiques, de ces enjeux écologiques, une nouvelle boussole, une priorité. Là, on a réussi à enclencher la société sur ces enjeux-là, à les faire comprendre, bien sûr, pas de manière systématique, pas avec la même ambition pour tout le monde, mais on sent qu'on a quand même passé un cap. Et là, j'imagine, vous regardez 2040, vous regardez 2050, avec ces endroits qui sont toujours quand même un peu à l'avant-garde des sujets de société, des transformations nécessaires. À quoi le fier lieu de Mergieu, si on l'a pas défini, mais peut-être qu'on est encore dans le tiers-lieu de Mergieu en 2030 glorieuse, à quoi il a envie de contribuer, à quoi il a envie de se mettre au service dans les grands enjeux de la société des 10-20 prochaines années? Mais je dirais célébrer ensemble, donc un espace vraiment ouvert, c'est-à-dire que là, en 2030, on n'a pas de 2030 glorieuse, on n'a pas de barrière sur le site. Mais peut-être que plus tard, c'est vraiment le lieu festif, le lieu où les gens vont venir spontanément sans avoir d'invitation. Plus de frontières au niveau du territoire, mais ça se construit aussi. Et ensuite, je sais pas. Et j'aime bien dire je sais pas, parce que je vais pas t'inventer des choses pour parler. Ça. Ton intuition, elle te dirait quoi ? Est-ce que c'est devenu un lieu de diplomatie avec le vivant, et donc on essaye de reparler avec d'autres espèces, de refaire de la démocratie plus globale et qui dépasserait l'être humain ? Est-ce que, au contraire, et tu l'as dit, j'aime bien aussi pouvoir tirer ce fil, l'idée de réapprendre à faire la fête. Il y a une dizaine d'années en arrière, on voyait que de moins en moins, on avait des espaces de fête, des espaces de célébration. De moins en moins, on avait des temps collectifs, et donc il a fallu aussi peut-être, après les 2030 glorieuses, où on s'est un peu retroussé les manches, peut-être qu'on est un peu dans cette période où on doit faire, comprendre. Et ben peut-être qu'il y a aussi l'idée de décélérer et l'idée de célébrer nos victoires dans un monde où on a encore tout un tas de fracas, tout un tas de pertes. Ça me semble être deux beaux fils à tirer, ces idées-là. Ouais, et je pense qu'il y a aussi la possibilité de donner les clés aux enfants de lieux comme ceux-là, en fait. De se dire, en fait, c'est là-dessus qu'ils vont construire. Et c'est un super terreau. De se dire, en fait, voilà, il y a déjà les conditions là pour continuer à créer, à faire ensemble, à s'épanouir, à célébrer. Et en fait, pour moi, c'est diffus. Le lieu, le fier lieu, c'est le départ. Mais c'est censé se diffuser partout autour de soi. J'ai l'impression que si on arrive à vivre dans ces espaces-là, en étant jeune, c'est une grande chance. Parce que du coup, on va avoir cet élan naturel partout où on ira. Et ce sera une vraie belle adaptation. Enfin, ce sera même plus du coup de l'adaptation ou de la suradaptation. Ce sera juste une évidence d'être à l'aise partout où on va. Fier lieu, le porter avec soi. Partout ouais, en 2030 ouais. Glorieuse. Parce que dans nos têtes, parce que dans nos cœurs, parce que dans notre chair. Alors, tu m'as dit que tu savais pas. Je te repose quand même la question, parce que moi, j'ai envie de savoir. En 2030 Glorieuse, Sophie, tu fais quoi? Je sais que c'est la question la plus dure. Au début, on répond facilement à toutes mes questions quand on est en 2030 Glorieuse. Et là arrive un peu le blanc où on se dit hop, hop, hop, non, hop, bah, hop. Au fond, je pense qu'on a tous la réponse de ce qu'on est venu faire là. Moi, je dirais que je m'autorise à laisser cette petite lumière en moi briller vraiment. Donc, je suis un peu moins sur mon ordinateur, un peu plus avec ma guitare. Et je m'autorise un peu plus à être vulnérable aussi, en lien avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est sûrement pas pour rien que je suis dans un lieu comme ça. C'est que je me donne cette possibilité de m'épanouir. Donc ouais, si je fais ça dans quelques années, ça sera chouette. C'est une bien belle réponse. On a voyagé 20 minutes en 2030 Glorieuse. Et les gens qui nous ont écoutés, j'en suis persuadé, se sont dit « Waouh !» Comment, quand, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on continue pour faire advenir ces 2030 glorieuses-là? Si on doit petit à petit revenir en 2024 et justement à destination de toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et leur dire ben, « Moi, j'ai envie de vous tendre une perche ou quelques perches pour que vous nous aidiez à faire advenir cette vision, ces 2030 glorieuses-là, sans attendre, sans tarder, de manière un peu stratégique. » Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, de très concret? Je sais que de temps en temps, on a envie de dire bah, il faut ralentir, il faut accepter, il faut je sais pas. Mais toi, là, concrètement, si tu devais donner une mission, un truc à rajouter dans sa to-do list, parce que tu as besoin d'alliés, parce que tu as besoin de personnes qui viennent faire corps avec toi et avec tes projets, qu'est-ce qu'on fait? Se tester, oser prendre son billet de train ou lever le pouce, prendre un covoit pour aller dans ces lieux-là. Il y en a de plus en plus, il y en a partout en France et à l'étranger, en plus, qui sont prêts à vous accueillir. Ouais, se tester, et, parce que c'est là où on se confronte, c'est là où on se rend compte si oui ou non, c'était juste beau dans la tête ou si c'est quelque chose dans lequel on a envie de se lancer, de vivre en ruralité ou de rejoindre un tiers-lieu, peut-être même en milieu urbain, mais en tout cas... encore une fois, le vivre dans son corps, tester et retester et, ouais, et y aller, parce que c'est souvent, même si c'est pour une demi-journée, parce qu'on va aller boire un café, on assiste à une conférence ou un atelier, on pousse la porte et on voit à quel point ces lieux-là ils nous traversent, ils nous chamboulent. Exactement, très bien résumé, merci Julien. Merci Sophie. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !